Scène 10, les mêmes, moins du fossé. Comment? Tu le laisses partir? Oh, papa, le pauvre garçon. En quoi ça, le pauvre garçon? Sais-tu ce qu'il gagne pour ce qu'il me fait? 3500 francs par mois, et tu le plains? Eh bien, qu'est-ce que tu dirais donc de Tiburce qui n'a que 50 francs? Ce n'est pas une raison pour l'humilier. Tu l'as profondément blessé. Veux-tu que je te dise? Tu n'es qu'un égoïste. Oui, c'est très vilain. Très vilain. Si vilain que ça? Oui, très vilain, très vilain, très vilain. Là, là, calmez-vous. Le pauvre garçon, je vais aller le retrouver au jardin, lui porter une parole de consolation. Julie sort par le fond. Moi, je cours chercher mon mari. Je vais le crayer de la façon... Ah, on va t'en donner des pour la rareté du fait. Amandine sort.